vous demandez, si vous vous demandez, si vous vous demandez ce qui vous fait tourner, ce qui vous fait valser, ce qui vous donne envie parfois de tout lâcher pour embrasser la vie, ou bien celle et celui qui est à vos côtés, si vous vous demandez. Si vous vous demandez ce qui vous fait tourner, ce qui vous fait aimer, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait souffrir, c'est dur à définir, mais moi je sais ce que c'est, mais moi je sais ce que c'est. C'est la valse des gens, la valse qu'on entend quand on ferme les yeux. C'est la valse du monde qui dans sa grande ronde entraîne les amoureux. Le temps d'oublier l'heure, ces trois temps de bonheur, ces trois temps de gagner sur la valse de la vie. Trois petits tours et s'enfuit. Si vous vous demandez, si vous vous demandez, si vous vous demandez pourquoi vous vous levez, pourquoi vous courez avec cette impression d'être à la fois le pion, le joueur et l'échiquier dans une partie truquée où on est des millions. Si vous vous demandez, si vous vous demandez ce que vous foutez là, quand faut-il arrêter, quand la vie se retire, si tout doit finir, ne restez pas comme ça. Pour danser la java, il suffit de compter, il suffit de compter sur la valse des gens, sur la valse qu'on entend quand on ferme les yeux. C'est la valse du monde qui dans sa grande ronde entraîne les amoureux. Le temps d'oublier l'heure, ces trois temps de bonheur, ces trois temps de gagner sur la valse de la vie. Trois petits tours et s'enfuit. Si on vous demande, et si on vous demande, oh, et si on vous demande pourquoi des inconnus au détour d'une rue se sont mis à valser, finissant lassés au son d'une sarabande, maintenant vous le saurez. Si on vous le demande, si on vous le demande, et si on vous demande pourquoi vous existez, ce qui aurait pu être et ce qui a été, ce n'est pas une légende, mettez-vous à chanter. Si on vous le demande, alors vous répondrez, alors vous répondrez. C'est la valse des gens, c'est la valse qu'on entend quand on ferme les yeux. C'est la valse du monde qui dans sa grande ronde entraîne les amoureux. Le temps d'oublier l'heure et ces trois temps de bonheur, ces trois temps de gagner sur la valse de la vie. Trois petits tours et s'enfuit.